تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. السلام عليكم يا أهل سلام، مرحبا بكم. vous écoutez Radio Chicha. il est 20h heure algérienne, il est 21h en France. مرحبا بكم. comme tous les samedis soirs, on fait une émission en direct sur l'antenne de Radio Chicha. comme tous les samedis soirs, on ouvre l'antenne via Skype. Les gens ils peuvent participer avec leur contribution, leur point de vue via Skype. Donc, il suffit d'appeler pendant l'émission Chicha DZ. comme pour ceux qui connaissent notre émission à la Belcom, chaque samedi soir, on essaye de parler de l'actualité, on essaie de faire intervenir les auditeurs et parfois on a aussi des invités particuliers, un journaliste, un militant ou là, qui essaye, avec qui on essaie de... Ce soir, Khaouti, je suis très content d'avoir avec nous M. Yahya Bounouar, journaliste et militant algérien, militant politique, militant des droits de l'homme. Il a bien voulu accepter notre invitation pour discuter un peu de la situation de notre pays et puis de la situation de ce qui se passe en fait en Égypte, en Syrie, pourquoi pas en Tunisie ou là en Libye. On va essayer d'aborder tout ça avec lui. Désolé, on a eu un petit problème technique au tout début là pour lancer l'émission. Sinon, ma question à Yahya Bounouar, après avoir souhaité la bienvenue, c'était comment il voyait en fait les événements dans la région et qu'est-ce qu'il avait à dire par rapport aux gens qui disent que tout ça c'est un complot sioniste, un complot américain contre les pays arabes. Je vous laisse écouter sa réponse, puis on continue notre émission. Alors, qui va venir faire un complot contre nous? On est au fond du trou. Un complot pour faire quoi? Ceux qui nous ont mis au fond du trou, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Israéliens, c'est ceux qui dirigent ces pays. Il y a un moment où il faut regarder la réalité en face. On est les seuls pays, dans cette région, pas les seuls, mais on est les pays où on prend n'importe quelle nation, nation à peu près construite, moderne, en Scandinavie, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et même certains pays en Afrique, les peuples participent à la construction de leur pays. Ce n'est pas 50 personnes qui vont construire l'Algérie, c'est le peuple algérien. Or, l'Algérie est dirigée par un groupe de quelques dizaines de personnes depuis 50 ans. Ils ne peuvent pas construire un pays, le pays sera construit par tous les Algériens. Si on exclut les Algériens, c'est valable en Syrie, c'est valable dans d'autres pays, notamment ceux de la région, ils prétendent construire des pays à 50 personnes. C'est un peuple qui construit son pays. Qui va venir faire un complot contre l'Algérie quand tout son peuple est en train de construire sa nation? Qui peut? Mais allez, même s'ils veulent, ils ne peuvent pas, puisqu'il y a tout un peuple qui est là, qui construit ses routes, ses autoroutes, ses immeubles, ses hôpitaux, qui fait de la recherche scientifique, qui avance dans la technologie. Qui va venir comploter contre cette nation où tout son peuple est en train de construire cette nation? Évidemment, si on est des pays avec un président, vous l'avez vu là, l'image du chef de l'État de Bouteflika, évidemment, le dernier des abrutis dans le monde va venir faire un complot contre lui. Ce qui est normal, on fait des complots contre les gens faibles, on ne fait pas des complots contre les gens qui sont là. Et pourquoi vous n'allez pas faire un complot contre le Danemark ou contre la Suède? Mais les gens ils disent que, par exemple, observant ce qui se passe en Syrie pour être dans l'actualité de ces jours, oui. C'est-à-dire que c'est juste un complot, on est en train de détruire la Syrie avec des djihadistes envoyés de l'étranger. Il y a comme ils disent, le soutien militaire occidental pour les rebelles, et donc c'est un complot étranger. Il y a des gens qui disent ça. Oui, bon, il y a les gens qui aiment les complots. On va revenir sur ce qui s'est passé en Syrie. C'est très récent, c'est-à-dire c'est même pas de l'histoire contemporaine, c'est de l'actualité. Il y a 2 ans et demi, un peu plus, dans le sillage du printemps arabe, les Syriens sont sortis dans la rue. Avec un mot d'ordre, tout le monde s'en rappelle, c'est tout récent. Hurriya, hurriya, hurriya. Les gens voulaient plus de liberté dans leur pays. Les gens voulaient plus de démocratie. La Syrie, pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai été en Syrie, c'est une dictature terrible. il y a au moins 10 services de renseignement, Moukhabarat al-Amba, Moukhabarat al-Dawla, l'Amn al-Askari, l'Amn al-Siyasi, l'Amn de l'Askar l'Aviation, l'Amn de l'Askar des troupes. Il n'y a que ça. Et les gens veulent, sont sortis pour demander plus de liberté, pour respirer, pour participer à la gestion de leur propre pays. C'est leur droit. À ce moment-là, le régime avait la possibilité de se dire « Ok, c'est bon, c'est une période terminée, les dictatures, on passe à un système un peu plus démocratique, et c'est tout doucement et on avance. » Au lieu de cela, il a choisi, à l'époque c'était dans le sud de la Syrie, à Daraa, et ça avait commencé un peu à Hama. Il a choisi la répression, et en arrêtant les gens. Ceux qui étaient arrêtés étaient torturés, exécutés, ne revenaient pas chez eux. En tout cas, personne n'avait envie de se faire arrêter. Et ils ont poussé par cette répression terrible, ces violences terribles, un certain nombre de jeunes à prendre les armes, parce que c'était où ils prenaient les armes, où ils se faisaient arrêter. Et ils n'avaient pas envie de se faire arrêter. Ensuite, il y a eu des désertions dans l'armée régulière. Il faut rappeler que l'armée syrienne libre a été créée par des officiers et des soldats déserteurs de l'armée régulière, qui ne voulaient pas réprimer leur propre peuple. Sur ça est venu se greffer, hein, personne ne peut le nier, des djihadistes, des illuminés, et plus il y avait de violence, plus ils se radicalisaient. On connaît ça partout dans tous les pays où il y a de la répression, il y a une radicalisation. Et c'est ce que cherchait le régime et il l'a obtenu. Aujourd'hui, comme s'il n'y avait plus d'opposition, c'est tous des djihadistes. Et donc, aujourd'hui, il y a une situation de fait. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Syriens réfugiés en Turquie, au Liban, en Jordanie, dans leur propre pays, partout dans le monde. Tout cela, ce sont des Syriens, des villes détruites, des villages rasés de la carte. Ça, c'est l'armée syrienne, c'est Bachar qui est en train de détruire son pays. C'est-à-dire, il n'a pas laissé de possibilité de sortie. Ensuite, aujourd'hui, venir pleurer, attention, il y a une intervention étrangère. Mais bien sûr, quand toi-même tu fais à ton pays ce que tu as fait, toi-même tu écrases ton peuple comme il l'a écrasé, toi tu tortures ton peuple, les exécutions sommaires, tu gazes ton peuple. Pourquoi voudrais-tu que les puissances étrangères ne viennent pas faire la même chose? Si toi, tu n'as pas eu pitié pour ton propre peuple. Et tu penses, c'est-à-dire, on ne peut pas aussi nier, je pense, les interventions des pays voisins comme l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie aussi, qui a un peu soutenu les rebelles. Je ne sais pas ce que tu penses. Moi, je ne nie pas. Qu'il y ait eu d'abord soutien à l'opposition qui était une opposition pacifiste. Donc ils ont d'abord soutenu, je parle de la Turquie, l'Arabie Saoudite, c'est un cas à part. C'est-à-dire qu'ils soutiennent le coup d'État en Égypte et ils sont contre la dictature en Syrie. Donc ceux-là, c'est des. on va même pas en parler parce que. Mais que les gens aient soutenu, moi j'ai soutenu, toi tu as soutenu, beaucoup de gens ont soutenu l'opposition syrienne quand elle sortait dans la rue pour dire Hurriya, Hurriya, liberté, liberté. Qui ne va pas soutenir? Hurriya ou Bess. Ouais, Hurriya ou Bess, bien sûr. Il disait Hurriya ou Allah. Hurriya ou Allah, oui, bon, parce que ça fait partie de la culture. Et donc, personne ne peut se dire je ne vais pas soutenir ces gens-là. Ensuite, quand ça a basculé dans la violence et que sont venus se greffer les djihadistes, les fous, les manipulés par l'Arabie Saoudite ou un tel, mais c'est normal. À partir du moment où, au lieu d'accepter d'ouvrir ton pays et de faire participer la majorité de ta population à la prise de décision, à la vie publique, toi-même tu les écrases, tu les bombardes, et ils vont faire quoi les autres? Bien sûr qu'ils vont en profiter. Un autre petit mot, j'y pense, juste que je rappelle aux auditeurs vite fait que nous sommes en direct sur Radio Chicha. Nous avons comme invité Monsieur Yahya Bounouar, journaliste algérien, journaliste et militant, militant politique et des droits de l'homme. On essaie de parler des événements qui se produisent dans la région. On va essayer aussi d'aborder le cas algérien. Et je rappelle aux auditeurs qui peuvent intervenir via Skype. Il suffit d'appeler dans quelques instants. Il suffit d'appeler Hachicha DZ sur Skype pour participer, vous passerez en direct. J'allais juste continuer, Yahya, si tu me le permets. Ça, peut-être qu'il faut aussi dire, concernant le cas syrien, Bli, actuellement, et même depuis le début, il y a un processus politique. C'est-à-dire, il y a en même temps un processus de guerre comme ça qui est très violent, etc. Mais il y a aussi un processus politique. Je ne sais pas où en sont les deux processus. Je ne sais pas de quel processus politique tu parles. Mais on parle de Genève 1, Genève 2 et des négociations. Je ne sais pas si tu as lu l'interview de Bachar el-Assad il y a quelques jours, dans Le Figaro, il y a 3 jours. Pour lui, il n'y a pas d'opposition. C'est tous des criminels, des terroristes, qu'il va les écraser. C'est-à-dire que ce type ne reconnaît pas le droit aux citoyens syriens de ne pas être d'accord avec lui. Le mot opposant, il ne le reconnaît pas. Il a beaucoup parlé de terrorisme, il l'a expliqué en long en large. Celui qui n'est pas d'accord avec lui est un terroriste. C'est-à-dire la notion d'opposition, il n'en veut pas. Il n'en a jamais voulu d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est dans cette situation. S'il reconnaissait à la moitié de sa population le droit de s'opposer à lui, on n'en serait pas là. Or, il ne le reconnaît pas du tout. C'est comme si François Hollande traitait l'UMP de terroriste. Et on peut extrapoler sur tous les pays. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi sont des terroristes. Il va plus loin, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des traîtres. C'est-à-dire que la Syrie, c'est lui, et tous les autres n'existent. Ils n'ont même pas le droit de s'opposer à lui. Donc, dans ces cas-là, évidemment, c'est très difficile. Comment discuter? Et il est prêt à discuter à condition que lui reste au pouvoir et que les autres, c'est des traîtres. Voilà la discussion de Bachar el-Assad. Et pas seulement de Bachar el-Assad, de tous les régimes, y compris ceux qui sont tombés. C'est-à-dire, avant de tomber, Ben Ali disait la même chose. Et Moubarak disait la même chose. Et ceux qui ne sont pas encore tombés en Algérie ou ailleurs... Tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, tous ceux qui s'opposent à eux de manière radicale, sont soit des terroristes, soit des traîtres. La notion d'opposition, ils ne la reconnaissent pas. Comment on va discuter, comment on va échanger? C'est pour ça qu'il n'y a pas de débat dans ces pays-là. Parce qu'on débat avec quelqu'un qui s'oppose à nous. On débat avec quelqu'un qui a des idées exactement contraires aux nôtres. On ne débat pas quand on est d'accord. Oui, on peut débattre sur des détails. Mais un débat de fond, on le fait. Moi, je débat sur le fond avec des gens qui pensent exactement le contraire que moi. Mais si je considère que dès lors qu'ils pensent le contraire que moi, ce sont des traîtres, il n'y a plus de débat possible. Et c'est le drame de ces dictateurs qui enfoncent leur pays vers... la destruction totale. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas d'accord avec Bachar, ou ceux qui ne sont pas d'accord avec les dictateurs, ou ils acceptent de s'écraser, et qu'ils se feront écraser, emprisonner, torturer, exécuter, tuer, massacrer, tout ce qu'ils veulent, ou c'est des traîtres. Dans tous les cas, ils n'ont pas le droit de participer à la vie politique, à la vie publique, dans leur propre pays, en ayant des idées différentes que le dictateur qui est en place. On est dans le déni, pas seulement de démocratie, on est dans le déni, tu n'as pas le droit de penser de manière différente que la mienne. Et si jamais tu le fais, ça veut dire que c'est les étrangers qui te l'ont dit. Par toi-même, tu ne peux pas, tu n'existes pas par toi-même, tu ne peux pas réfléchir et penser par toi-même et être contre moi par toi-même. Si jamais tu arrives à avoir des idées différentes aux miennes, c'est qu'on te l'a dit et c'est les ennemis qui te l'ont dit. Je te dénie le droit de le penser tout seul. Donc, on peut être, il y a de quoi, à ton avis, il y a de quoi être pessimiste par rapport au processus politique. Et donc, par exemple, les frappes là, dont parlent les pays occidentaux vont avoir lieu, c'est ça? Elles auront lieu, sauf si, elles auront lieu, c'est presque évident, sauf si, encore une fois, c'est une contradiction de l'histoire, les seuls qui peuvent encore éviter que les frappes aient lieu, c'est le Congrès américain. Et je rigole parce que c'est terrible. Aujourd'hui, Bachar el-Assad, un dictateur, son sort est entre les mains d'un instrument démocratique, celui des États-Unis, comme il est très content que l'instrument et le fonctionnement démocratique aient empêché Cameron de le frapper. C'est la Chambre des communes en Angleterre. C'est le fonctionnement démocratique de l'Angleterre. Et aujourd'hui, il espère que le fonctionnement démocratique des États-Unis le sauve. Alors, le même fonctionnement qu'il refuse absolument dans son propre pays. Lui, il a de compte à demander à personne. Quand il veut faire, il fait. Il demande absolument à personne. Et aujourd'hui, ses mains sont, son sort est entre les mains d'un fonctionnement démocratique. J'espère pour la Syrie que ces frappes n'auront pas lieu. Mais en même temps, il faut trouver une solution. Il faut l'arrêter de massacrer son peuple. Que ça ne vienne pas des Américains, tant mieux. Mais je ne pleurerai pas si Bachar est frappé. Je ne pleurerai pas Bachar. Ça, c'est clair, je le dis, c'est enregistré. Qu'il aille au diable et qu'il aille en enfer et qu'enfin le peuple syrien se débarrasse de lui. Par contre, je ne suis pas d'accord que ça vienne des Américains. Mais est-ce que aujourd'hui on a une autre possibilité pour arrêter le massacre en Syrie? Voilà la question. Est-ce que aujourd'hui, et je vais plus loin, c'est même plus des frappes, est-ce que aujourd'hui il y a moyen de s'opposer pour un Syrien, d'être opposant à Bachar el-Assad sans être un terroriste ou un traître? Quelle est la solution? Comment arrêter ce type? Comment lui faire comprendre qu'il arrête de massacrer son propre peuple? Est-ce que les éventuelles attaques pourraient changer la donne et dans quel sens ça pourrait les changer? Sur le plan militaire, ça peut les changer, bien évidemment. On est en face de puissances militaires, les États-Unis, la France, et puis tous leurs alliés qui se cachent, qui disent non, mais qui vont participer d'une manière ou d'une autre. Évidemment, s'ils décident d'en finir avec Bachar, bien sûr, ils frapperont suffisamment pour l'affaiblir. Si demain, je vais donner juste un exemple, il y a à peu près 6 aéroports militaires utilisés par le Bachar pour bombarder l'opposition, les rebelles, les djihadistes, tous ensemble. Si demain ils lui détruisent ces 6 aéroports, il n'a plus de couverture aérienne et donc ça va aider d'une manière ou d'une autre à l'avancée de l'opposition. À chaque fois que l'opposition prend une ville ou un village, l'aviation intervient, ils sont obligés de se retirer. S'il n'a plus son aviation, l'avancée sur le terrain sera plus facile, ou en tout cas moins difficile. Évidemment, il a une armée, il continuera à se battre, mais ils ont les moyens de l'affaiblir et peut-être de l'emmener petit à petit à une solution politique. Encore une fois, j'espère que non. J'ai pas du tout envie que la Syrie, l'État, les institutions, et puis la Syrie d'une manière générale, soit bombardée par les Américains. Mais comment est-ce que lui il peut dire demain j'arrête de bombarder mon peuple. C'est pas la peine de bombarder, j'arrête de bombarder mon peuple. Je trouve une solution. Mais rester là sans proposer une solution et rester à regarder, observer de manière cynique le peuple syrien se faire massacrer jour après jour, et puis quand il y a une bataille qu'il peut pas remporter, il va utiliser le gaz, il utilise les scouds, les avions, tout ce qu'il a contre son peuple. Est-ce qu'on peut raisonnablement, alors moi je retourne la question, est-ce qu'on peut raisonnablement rester à observer, à regarder le massacre qui se poursuit sans rien faire? Ouais, c'est toute la difficulté de la situation syrienne, mais je pense que c'est un peu difficile partout, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? On a fait une demi-heure. J'allais proposer une musique, peut-être, parce que je sais que Yahya, je sais que tu aimes beaucoup la musique shabi et particulièrement l'anqa. Oui. Donc je me suis dit que je passerais peut-être un peu de musique pour faire des pauses et puis pour permettre aussi. Je suis désolé auprès de. Il y a eu quelques personnes qui ont essayé d'appeler là il y a quelques minutes. Je voulais quand même qu'on ait le temps de commencer d'introduire notre sujet avant de prendre les premiers appels. Mais les auditeurs, vous pouvez nous appeler à partir de maintenant sur Skype, Chicha DZ, si vous voulez participer. Sinon, on continue. Peut-être notre petite discussion, Yahya, comme on a dit, je reviendrai à la musique plus tard. Je voulais juste, sur ce cas syrien, pour finir un peu sur la Syrie, après on passera peut-être au cas égyptien ou là au cas tunisien aussi. Je trouve que c'est important, il faut en parler. Et la Libye. Et la Libye. Et la Libye, exactement. Pour revenir après sur l'Algérie, peut-être l'impact de tout ça sur l'Algérie, et aborder aussi ce qui se passe à l'intérieur, en fait, du pays. Mais sinon, sur la Syrie, j'ai vu que tu avais mis un truc sur ta page Facebook concernant la Syrie. Corrige-moi, peut-être que je le lis mal, mais tu as dit, Bli, il y a des gens, on le voit notamment dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux, mais sur les journaux et les télés, des gens qui disent Bli, ceux qui se révoltent, ceux qui résistent à leur dictature sont des traîtres. Et oui. Toi, tu disais, tu avais écrit un petit post en disant que faut-il subir, c'est-à-dire on demande au peuple, comme au peuple syrien par exemple, de se taire quand il y a répression militaire, de se taire quand il y a des scuds qui sont envoyés sur des quartiers civils, quand il y a des bombardements avec des avions, des bombardiers, et on demande aux gens de se taire, sinon on les appelle des traîtres. Oui, et ça c'est le cas de tous les pays. En Syrie, ça a atteint le paroxysme puisqu'on est dans une guerre civile terrible, atroce, où la vie, elle a plus aucune importance. En Algérie, on est arrivé aussi à ça, au point de vue psychologique, mais pas la même violence. C'est-à-dire que ils ont ces régimes-là aujourd'hui demandent, exigent de leur population qui n'est pas d'accord avec eux, de subir. C'est-à-dire que le régime vient, arrête, torture, exécute, envoie des scuds, bombarde par avion et maintenant avec des gaz. Et si jamais les gens ne sont pas d'accord, ceux qui arrivent et qui sont jeunes et prennent des armes pour se défendre, ce sont des terroristes. Et les pauvres populations, femmes, enfants, vieillards, réfugiés dans leur pays, puis à l'étranger, et qui prient dans les camps de réfugiés, les gens font des prières pour demander à ce que Bachar soit frappé. Ceux-là sont des traîtres. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, laissez-vous, on va vous massacrer, on va détruire vos maisons, on va tuer vos enfants. On va vous disperser, vous allez être des réfugiés partout dans le monde, et si vous osez ne pas être d'accord, vous êtes des traîtres. Et ça, c'est insupportable au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aux gens, à personne, ni aux Syriens, ni à personne. On est à la limite de la folie, de la schizophrénie. Je te tue. Et si tu échappes et que tu as pu te sauver et que tu vas raconter aux gens ce que je t'ai fait, tu es un traître. Et ça, c'est tous les régimes dictatoriaux. C'est pas spécifique à la Syrie. Ça s'est toujours passé comme ça, parce que ces régimes n'ont pas d'autre. Que va dire Bachar aux gens? Il n'a pas d'autre chose à dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des traîtres. Il y a plus. On est arrivé à une limite. Qui devient inhumaine. On sort de l'humanité. Mais hélas, ça n'appartient pas qu'à la Syrie et ça n'appartient pas qu'à l'Assad. Kadhafi, tout le monde se souvient de Kadhafi, il disait la même chose. Je vais venir, je vais vous tuer, je vais vous massacrer, vous êtes des rats, Zanga. Vous n'êtes rien, vous n'existez pas et je vais vous massacrer. Ils sont tous, ils se prennent pour des dieux sur terre, ils se prennent pour des pharaons qui ont le droit de vie et de mort sur les gens, et quand les gens ne sont pas d'accord, ce sont des rats, des traîtres, des Jordan, des tout ce qu'on veut. C'est la logique même de la psychologie des pharaons, pour des pharaons en carton, hein, parce que ce sont vraiment des dictateurs en carton. C'est très clair, c'est très clair. Ouais, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous voulez intervenir, c'est sur Skype, HHADZ, ça passe en direct. Yahya, si tu permets, on fait une toute petite pause avec Al-Hajj Mohamed Al-Anqa. On a un appel, Yahya, si tu permets, on a Hussein Jidel, je le fais rentrer dans la discussion. Allô, salam alaikum. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا حسين جدل. سمير. Oui, nous sommes en direct et nous sommes avec Yahya Bounoir qui nous entend aussi, je pense. Oui, je pense, oui. Yahya, tu entends? Salam. Oui, j'entends très bien. Très bien, nous sommes en direct, chers amis. Merci beaucoup pour l'appel, monsieur Jidel. On t'écoute. Hein. D'accord, parce que je remercie Yahya pour. Et Samir, pour avoir organisé ce débat qui traite l'actualité et qui traite beaucoup de problématiques fondamentales. Moi, je veux uniquement rappeler deux choses. Les gens qui défendent Bachar en disant qu'il ne faut pas que les étrangers se mêlent de ce pays, etc. Je dis que avant que les étrangers se mêlent de ce pays, des affaires syriennes, Bachar lui-même, il a fait le recours russe à Hezbollah et aux Bazdaran iraniens qui ont participé aussi au massacre des Syriens. Est-ce que ce sont des Syriens, ces trois catégories de personnes? Non, ce sont des étrangers aussi par rapport au peuple syrien. Donc c'est lui qui déjà introduit l'équation étrangère dans l'affaire intérieure. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas peut-être citées. Bachar ne renie pas uniquement le droit d'opposition syrien, il renie à une grande catégorie des Syriens le droit d'existence. Savez-vous que depuis 50 ans, il y avait les Kurdes turcs, les Kurdes syriens n'avaient aucune pièce d'identité, n'avaient aucun état civil. Et juste après la révolution, il a pris la décision d'attribuer des pièces d'identité aux Kurdes. Ça veut dire pendant des années, une catégorie de personnes n'a aucune existence alors qu'elle est là et que ce sont des Syriens. Et on voit ce phénomène de bidoune qu'on appelle chez les pays de Golfe. Mais en Syrie, c'est clair. Donc nous ne sommes pas devant quelqu'un qui est dans le déni des droits politiques, il est dans le déni de l'existence elle-même. Ne parlons pas de la composition et de la nature des régimes qui reposent sur une minorité qui s'accapare du pouvoir et qui ne reconnaît pas la minorité. Mais je pense que Bachar a tellement dépassé le despotisme, il est dans la tyrannie folle. Il est dans la tyrannie et les gens qui soutiennent la tyrannie, qui nous expliquent, est-ce que les 100 000 ou les 10 000 ou quel que soit le nombre de Syriens tués, comment peut-on justifier ces massacres? Est-ce que ce sont des enfants massacrés? Est-ce que les femmes massacrées, les civils massacrés sont tous des traîtres? Ils ne sont pas des Syriens et que leur sang et leur âme et leur vie, elle est 100 000 fois inférieure à celui de Bachar. Il faut que ces gens-là, se résistent. Il faut que ces gens-là savent que il n'y a plus cher dans l'existence que la nature humaine, que la vie humaine, et que il n'y a pas de vie qui vaut mieux que l'autre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. À Texaha, je ne sais pas. Merci, Yahya, merci. Si, il a entièrement raison. On n'a pas parlé d'avant et de ce qui se passait avant, notamment pour les Kurdes, qui étaient effectivement des bidounes. Bidoun, ça veut dire sang, des des citoyens, en fait, qui étaient des non-citoyens, puisque c'est des Syriens, mais ils n'étaient pas reconnus par l'État central. Les bidonis existent aussi au Koweït, existent à Bahreïn. C'est des gens que, dont les États ne reconnaissent pas l'existence, ils n'ont aucune nationalité. C'est des apatrides dans leur propre pays. Et effectivement, au début du mouvement et de la révolution en Syrie, quand les choses étaient encore, se faisaient encore de manière pacifiste par les manifestants, alors que Bachar avait déjà commencé la répression, il a accordé l'existence à 70 000 citoyens kurdes, alors que ils étaient beaucoup plus nombreux, plus de 200 000. C'était un geste, et il l'a fait pour un calcul politique, en espérant que les Kurdes ne rejoindraient pas la contestation. Mais c'est vrai que pendant 50 ans, les Kurdes de Syrie étaient des bidounes, sans nationalité, sans existence légale. Ça n'existe pas qu'en Syrie, je rappelle. Il y a des bidounes au Koweït, il y a des bidounes à Bahreïn, et il y en a une petite partie. Non, Qatar, c'est un pays, ils sont 90 000. Qatar, c'est un village. Il y a 90 000 Qataris. Il y en a en Arabie Saoudite, ceux qui sont à la frontière avec le Qatar. Oui. Mais, c'est ça, je parle de Sissou. Oui, c'est en Arabie Saoudite. Mais à Qatar, il n'y a pas, parce qu'à Qatar, il y a 90 000. La famille et les ramifications de la famille Al-Thani, c'est ça, Qatar. Il y a un peu plus d'un million d'habitants à Qatar, dont 90 000 Qataris, c'est-à-dire la famille, les cousins et l'ancienne tribu Al-Thani. Qui constitue la population qatari. Tout le reste, ce sont des étrangers. À Bahreïn, c'est la même chose, ils sont 180 000, et tout le reste, ce sont des coopérants étrangers qui vivent à Bahreïn. Donc, mais sur les 200 000, 180 000 qataris, bahreïnis, il y a quelques bidounes, et notamment, il y en a beaucoup plus au Koweït. Ouais, le Qatar, c'est un cas particulier qu'il faut, parce qu'on le retrouve dans toutes les discussions, si tu regardes sur Internet, surtout pour les Algériens. Alors, pour les Algériens, j'ai quelque chose quand même à leur dire sur le Qatar. C'est un village de 90 000 habitants. Donc on a 90 000, je sais pas, c'est un quartier d'Alger. Et un petit quartier, pas un grand quartier. Avec beaucoup d'argent, mais qui ont réussi, grâce à cet argent, déjà à construire leur pays, grâce aux Chinois, et c'est normal, parce qu'eux, ils n'ont pas de population. Donc, il ne faut pas qu'on se compare à eux, nous, on a des gens, c'est-à-dire, c'est aux jeunes Algériens de construire l'Algérie. Les Qataris, ils sont obligés, c'est les Chinois ou les Américains qui vont leur construire leur pays, ils n'ont pas de peuple. Et puis, avec l'argent qu'ils ont, ils ont fait des choix d'investissement qui a donné à ce village un poids politique et diplomatique très important, plus important qu'un pays comme l'Algérie. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est du domaine de la folie. Est-ce que c'est normal qu'un pays, un village comme Qatar, ait aujourd'hui plus de poids diplomatique et politique que l'Algérie? Alors que l'Algérie a de l'argent. C'est-à-dire qu'ils aient plus de poids qu'un pays qui n'a zéro centime et dont la population crève de faim, c'est à peu près normal. Mais qu'ils aient plus de poids diplomatique que l'Algérie, c'est incroyable. Mais on pourrait rajouter... Et après, ils passent leur journée à insulter Qatar. Mais c'est Qatar, ils se projettent, même s'ils sont petits, ils se projettent dans l'avenir et les Algériens se projettent dans le passé. C'est pas pareil. Non, les Algériens ne se projettent nulle part. Le régime. Non, le régime ne se projette nulle part. Il prend l'argent du pétrole et quand il n'y en aura plus, on verra. Donc, ils font rien avec l'argent. Avec avec l'argent qu'on a eu depuis 99, depuis la remontée des prix du pétrole. On est en 2013. Voilà, on a de... plus de 1000 milliards de dollars de... 1332. Voilà. Et le Qatar vient de mettre en orbite un gros satellite de télécommunication. Pour ne plus dépendre des satellites égyptiens, Nilsat. Mmh. Mais on a obtenu depuis 1999 en ressources 1300 milliards de dollars. Mmh. C'est-à-dire de quoi construire, pas une Algérie, deux. De quoi faire de tous les jeunes Algériens des scientifiques de très haut niveau. De quoi construire, pas une autoroute, 20. Et où est passé tout cet argent? Comment est-ce qu'un pays qui a de l'argent, qui a une population, qui a des jeunes, qui a le potentiel humain et le potentiel richesse, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à être les derniers du monde sur tous ces domaines? C'est absolument, c'est-à-dire si quelqu'un avait programmé de détruire l'Algérie, il n'aurait pas réussi comme c'est aujourd'hui le cas. Ben, ça a été programmé. Non, ça n'a pas été programmé. C'est oui, programmé d'une autre manière. Parce que même s'ils avaient programmé, ils n'auraient pas réussi comme ça. Réussi parce qu'ils n'ont pas les capacités. C'est juste, ouais. J'oublie un détail parce que à Qatar, et après je vous laisse, hein, c'est qu'ils sont 80 000 à Qatar. Hein. Ils sont moins de 100 000 Qataris. Oui, voilà, 100 000 Qataris, voilà. Et ils ont de l'argent, c'est un régime despotique, etc., etc. Mais ils ont eu l'intelligence d'investir dans les grandes firmes agroalimentaires mondiales pour pouvoir, dans des moments de crise, assurer aux 100 000 Qataris la nourriture. واحنا عندنا 38 مليون مازال عندنا مشكل بصله وبطاطا مازالوا ما انفستوا حتى دوروا باش يحلوا مشكل بصله والبطاطا il y a quand même une différence, il y a une intelligence là-bas quel que soit, mais il y a l'abîme et le chaos chez nous. Ah voilà, c'est la seule différence. On est bien d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Que les Algériens sachent que un pays comme le Qatar, ils pensent, même s'il est despotique, même le Kadhafi, quand il était fou, il sniffait, comme disait le canard enchaîné, de la Bangkok, il a eu l'intelligence ou l'idée d'y aller acheter des terrains en Mali, des mini d'hectares en Mali et en Éthiopie pour assurer une certaine autonomie ou certaine autosuffisance alimentaire au peuple libyen. Wahna, avec tout l'argent qu'on a, quand l'Algérie existait, le Qatar n'avait aucune citation dans l'histoire. Le Qaddafi, le Mahboul, il a pensé à certains moments à son peuple. Wahna, en Algérie, on pense à tout sauf au peuple. Parce que le mot algérien n'existe dans le lexique et dans le raisonnement de ceux qui dirigent l'Algérie que pour faire les statistiques. Et il y a 38 millions de Mahboul. C'est tout ce qu'il y a. C'est dans les statistiques qu'on prononce le mot algérien avec S. Mm. Mais à part ça, il n'y a pas d'algérien avec S. De toute façon, moi je pense que on peut le dire, hein, Billy, et c'est tout un sujet moi que j'aurais bien aimé aborder avec Monsieur Jidel, c'est justement l'usage qui est fait de l'argent, des rentrées d'argent de l'État algérien, du gouvernement algérien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'argent du peuple, la Tessaha. C'est l'argent du peuple, effectivement, qui appartient à tous les Algériens, notamment l'argent du pétrole et du gaz. Et je sais que Monsieur Jidel a abordé ce sujet de la corruption et des biens mal acquis en Algérie. C'est peut-être ça, justement, comme Kemel Kouloub l'Arbiya, c'est-à-dire le drahm badrouha bitariqa, yani l'ouadibki. Et je sais que M. Jidel a abordé ce sujet concernant un ministre algérien en la personne de Chérif Rahmani. J'aurais voulu aborder ça dans une prochaine émission avec toi, Khouya Hussein Jidel, si tu veux bien. Inch'Allah, il n'y a pas de... Inch'Allah. Ça sera avec grand plaisir, ça sera intéressant, je pense. Inch'Allah, sauf s'il y a un événement, si tout ce qui se passe en Égypte ou en Syrie, ou là un autre événement important qui passe avant ce sujet. Eh bien, très bien. Il n'y a pas d'objection. Très bien. Le sort du peuple syrien et le sort du peuple égyptien, le sort de la démocratie, parce que c'est une chance de, d'enraciner la démocratie en Algérie. Tejdir démocratia. À chaque fois qu'il y a une chance qui se présente dans un pays arabe ou musulman pour mettre les bases et les fondements d'un démarrage et d'une démocratie, on a des dictatures, et ces gens-là, les larbins halou, qui défendent l'indéfendable. Ils défendent le massacre des gens. Je ne sais pas de quelle religion sont-ils, de quel raisonnement ils ont, quel raisonnement, quelle logique. Quand tu massacres un innocent, tu mets fin à la vie de quelqu'un. Mais les gens ne se rendent pas compte que tuer quelqu'un, c'est quoi? C'est plus grave. Je rappelle que moi je préfère que t'harag, je ne sais pas qui, t'harag Rabba ou il mouche wahed. Mais non, Romano, ou il mouche wahed ou il mouche la voiture, t'as comme en Algérie. Attends, d'arbo, qu'est-ce que tu as dit? Moi j'étais présent, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital. Si il me dit une urgence à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital, je suis allé à la carrosserie, je suis allé à l'hôpital. La vie humaine ne vaut plus. Quand on est là, quand dans ce raisonnement-là, que tout passe avant l'homme, que la vie de l'être humain est la moins importante dans l'échelle des préoccupations, on est pas dans le trou, on est dans l'abîme. On est dans l'abîme, voilà. Très bien. Je vous laisse, je ne vais pas monopoliser la Samahliya. Merci pour l'appel, merci pour la contribution, et à très bientôt sur Radio Chicha, on essaiera d'organiser quelque chose. Inch'Allah. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. Voilà, chers auditeurs, nous avions Monsieur Hussein Jidel avec nous en compagnie de notre invité Yahya Bounoir. Monsieur Hussein Jidel que nous allons essayer d'inviter peut-être la semaine prochaine samedi soir pour parler du livre que lui il a écrit à propos de la corruption et des biens mal acquis en Algérie. C'est un sujet très important. Yahya, comme on avait dit tout à l'heure, si ça te gêne pas, on fait une petite pause. Je passe un petit peu de musique. On va souffler juste un tout petit peu et on revient par la suite continuer sur une même ligne. On va essayer de continuer sur l'Égypte, les pays voisins, donc la Libye, la Tunisie, pour arriver sur l'Algérie et voir ce qui se passe actuellement. On fait comme ça ? On fait comme ça. Merci beaucoup Yahya. Je m'excuse auprès des auditeurs que j'ai pas pu passer, qui ont essayé d'appeler. Khaouti, on va essayer de passer les gens au fur et à mesure. Juste après la chanson, on reprendra la discussion avec notre invité et je laisserai passer éventuellement les appels téléphoniques. Compromis, l'Hajj Mohamed Al-Anqa, c'était un petit cadeau que Yahya a partagé sur sa page Facebook. Je l'ai repris, j'essaie de vous le passer. C'est un enregistrement de la télévision algérienne, c'est un ancien enregistrement et la chanson est très très jolie. Je vous laisse écouter ça et on revient dans à peu près 5 minutes. Merci. تستمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Thank you. تستمعون إلى الراديو حشيشة، أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. Voilà, voilà, Khaouti, on était en train d'écouter un tout petit morceau, un début d'une longue qsida ta l'Anqa. Je reviens donc avec notre invité, Monsieur Yahya Bounouar, journaliste et militant politique algérien, que nous avons en ligne. Je remercie encore une fois d'être avec nous, Yahya. Merci à toi, Samir, et merci pour cette opportunité et la possibilité de... à beaucoup de gens, à moi aujourd'hui, mais à d'autres gens, de s'exprimer et puis d'ouvrir les débats. Donc, très bien, merci. Ça se passe comme ça sur Radio Chicha. Les gens, ils peuvent nous appeler via Skype pour intervenir. On va essayer de passer directement à notre deuxième sujet qu'on considère important par rapport à l'actualité. C'est les événements qui sont en train de se produire en Égypte depuis notamment le fameux coup d'État qui s'est produit le 3 juillet 2013, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et depuis, les événements se succèdent. Je pense, moi personnellement, je le dis comme ça, il y a énormément de violence depuis les événements en Égypte. Comment toi tu lis la situation? Où en est l'Égypte jusqu'à aujourd'hui, 2 mois et quelques jours après le coup d'État? Encore une fois, comme pour la Syrie, on n'est pas dans l'histoire ancienne, on n'est même pas dans l'histoire contemporaine, on est dans l'actualité. Je vais faire un petit retour en arrière parce qu'il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé en Égypte. Quand il y a eu la révolution à partir du janvier 2011 et que à l'origine c'était des jeunes révolutionnaires qui n'avaient rien à voir avec l'islamiste. Puis très vite les islamistes, les frères musulmans qui sont une force très importante dans la population, on rejoint le premier vendredi du mois, le vendredi 28. Quand le régime égyptien, qui est un régime militaire par essence, a décidé de sacrifier Moubarak pour sauver le régime. Quand Moubarak tombe, c'est évidemment en Égypte, au Caire, une fête pas possible. Moubarak est tombé. À partir du lendemain, la très grande partie des forces révolutionnaires en Égypte ne voulait pas s'arrêter, parce que pour eux, il ne s'agissait pas de faire tomber seulement Moubarak, il fallait faire tomber le régime militaire. Le fameux Haut Conseil militaire. Des forces armées. Voilà, Haut Conseil de l'armée qui a dirigé l'Égypte pendant un an. Et là, il faut dire les choses, on va revenir après. Les islamistes d'une manière générale, et les frères musulmans en particulier, ont passé un compromis avec les militaires. Ils ont accepté que, à la suite de la chute de Moubarak, au lieu de continuer la révolution jusqu'à ce que tombe le régime militaire, ils ont accepté de fonctionner avec le Haut Conseil militaire. Pendant l'année où le Haut Conseil militaire a dirigé l'Égypte, les frères musulmans reprochaient aux autres, à chaque fois qu'il y avait des révolutions dans la rue, ils leur reprochaient en leur disant « Non, les militaires sont nos frères, les militaires, blablabla. » Ils ont fait une erreur stratégique. Certains disent une trahison de la révolution du 25 janvier. Je ne sais pas si c'est une trahison ou si c'est une erreur stratégique. Je pencherai plutôt pour l'erreur stratégique. Mais je ne sais pas. Ça appartiendra aux historiens. Toujours est-il qu'ils ont cassé la révolution, la grande révolution. On a parlé au début et j'ai dit que la révolution, ça va durer des années. Et au bout du compte, il ne restera ni militaire ni rien. Mais en tout cas, pour la séquence historique concernant l'Égypte, des frères musulmans ont cassé le mouvement révolutionnaire en faisant un compromis avec les militaires. Le Haut Conseil militaire a dirigé pendant un an. Il a fait les élections présidentielles et puis Morsi a gagné. Quand Morsi gagne, il est président de la République. Il nomme le général Sisi ministre de la Défense. Encore une erreur stratégique ou une trahison. La logique aurait voulu qu'il nomme un civil ministre de la Défense. L'actuel ministre de l'Intérieur qui réprime et qui emprisonne les militants des frères musulmans, c'est le même ministre de l'Intérieur que de Morsi. Il y a eu une rupture du processus révolutionnaire et le responsable, ce sont les frères musulmans. Évidemment, cela ne justifie pas le coup d'État, pour qu'on soit clair. C'est-à-dire que les militaires ont réussi à attirer les frères musulmans chez eux, à les isoler des autres révolutionnaires, et puis à leur faire leur coup d'État, le fameux 3 juillet. Donc maintenant que j'ai dit ça, et que j'ai mis en place la responsabilité des frères musulmans, parce qu'on ne doit pas le nier. Maintenant, pourquoi le coup d'État du 3 juillet a été fait? Le coup d'État du 3 juillet n'a pas été fait contre les frères musulmans. Le coup d'État du 3 juillet a été fait contre le processus démocratique. Je m'explique. À partir du moment où, depuis décembre, et l'erreur de Morsi avec le décret présidentiel où il voulait avoir plus de pouvoir, une partie importante de la population, y compris ceux qui avaient voté pour les frères musulmans, s'est opposée aux frères musulmans et au président Morsi. Il faut peut-être rajouter à cela les grandes manœuvres utilisées pendant un an par tous ceux qui tiennent les médias, tous ceux qui tiennent l'État profond, comme on dit. Tu es en train, c'est des éléments importants que j'avais oubliés, mais qui sont parfaitement géniales. Ils l'ont affaibli économiquement, ils l'ont affaibli médiatiquement, ils l'ont affaibli par tous les moyens. On est bien d'accord. Et c'est très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où il a commencé à y avoir une révolte contre Morsi, et que la population, à tort ou à raison, suivait. Mm. Et je ne reviens pas sur les erreurs des frères musulmans. Mm. On était dans un processus où les islamistes, les frères musulmans particulièrement, puisqu'on parle de l'Égypte, allaient être battus aux élections. C'est-à-dire qu'il suffisait d'attendre un mois, deux mois, trois mois, en maintenant la pression dans la rue, en maintenant toute l'activité politique, pour amener Morsi aux élections et le battre aux élections. C'était, on était presque, on y arrivait presque. C'est ce que ne veulent absolument pas ni les Saoudiens, ni les Émiratis, ni les Occidentaux, ni rien. Parce que cela aurait voulu dire que la démocratie s'est instaurée en Égypte. Mmh. Il y a eu un président, puis un deuxième, par les élections. C'est-à-dire, si on avait, si les généraux n'avaient pas fait le coup d'État à Morsi, ils n'auraient jamais pu le faire au président qui allait venir après Morsi, qui serait venu lui aussi par les élections. Tu veux dire par là, comme tu viens de le dire, Yanné, les militaires, ils ont fait un coup d'État, ils l'ont fait contre Morsi, issu des frères musulmans, mais ils l'auraient fait contre le Baradei, si c'était lui qui était président, ils l'auraient fait contre n'importe quel autre président, c'est ça? Oui, ils l'ont fait contre l'idée que Morsi, arrivé par les élections, parte par les élections. C'est-à-dire qu'on était le 30 juin, une grande partie de la population s'est retournée contre les frères musulmans parce qu'ils ne savent pas gérer. Ils ont eu tous les problèmes, on leur a créé des problèmes. Qu'importe, et c'est la vérité. Mais qu'importe, ça veut dire que Morsi allait aux prochaines élections et il allait perdre. Ils ne veulent pas qu'il perde par les élections et qu'un autre président arrive par les élections. Parce que celui qui arrivera, personne ne pourra l'enlever par un coup d'État. On aurait instauré l'alternance en Égypte. L'alternance par les élections et pas par les coups d'État. Ils ont précédé l'alternance politique que tout le monde voyait. Il suffisait de patienter un peu et d'organiser des élections en Égypte pour que Morsi soit battu. Et c'est-à-dire, c'est ça, selon toi, c'est ça les motivations des gens qui ont fait le coup d'État, notamment les généraux, mais leurs sponsors internationaux, notamment et dans la région et les sponsors internationaux comme les Américains et les Anglais et les Français qui même indirectement soutiennent le coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des gens qui disent non, ils ne soutiennent pas le coup d'État, l'administration d'Obama ne soutient pas le coup d'État. Qu'est-ce que tu en penses, Nté? Les Occidentaux d'une manière générale, mais avant les Occidentaux, les Arabes, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe en carton qui obéissent aux États-Unis, les dictatures dans la région. Et ça va de l'Atlantique du Maroc jusqu'à l'extrême Asie, jusqu'en Iran. Tous ces régimes-là, leur seul ennemi, c'est d'avoir en place des dirigeants légitimes élus par leur peuple, contre lesquels ils ne peuvent rien. Quand un dirigeant sort de son peuple, c'est un militant, il a milité avec son peuple, et puis un jour ils l'ont élu chef du quartier, puis après chef de la ville, puis après jusqu'à ce qu'il devienne chef de l'État. Il doit tout ça à sa population. Son véritable chef, c'est les gens qui l'ont porté et qui l'ont élu. Il n'écoute pas Obama, il n'écoute pas François Hollande, il n'écoute pas Israël et il n'écoute pas le roi d'Arabie Saoudite. Ils ne veulent pas avoir affaire à des hommes politiques issus de la volonté populaire. Parce que les hommes politiques issus de la non-volonté populaire, ils leur disent et ils feront ce qu'ils veulent eux. Mais un homme politique qui doit rendre des comptes à sa base et qui a été porté par sa base, ça, ils n'en veulent pas. D'où ils sortent leur puissance? D'où sort la puissance de Obama? D'où sort la puissance de Cameron? Et d'où sort la puissance de François Hollande? Leur puissance, ils la tirent parce qu'ils ont été élus par leur peuple. Et ils savent très bien. Et ils ne veulent pas que toi, en face, tu aies la même puissance qu'eux. C'est-à-dire que ces gens qui ont bâti leur nation avec leur propre peuple, ces gens qui sont forts de l'appui de leur propre peuple, savent qu'en face, ils doivent avoir des gens faibles qui, eux, n'ont pas l'appui de leur peuple. Très bien. Tu penses qu'il y a un impact, à ton avis, il y a un impact de ce qui se passe en Égypte, notamment l'arrêt du, pour reprendre le cas, reprendre les termes utilisés plutôt dans le cas algérien, il faut le faire avec beaucoup de précautions, bien sûr, mais l'arrêt du processus là en Égypte, est-ce que ça a un impact sur les pays voisins des frontières égyptiennes direct jusqu'aux autres pays, soit du Golfe, soit d'Afrique du Nord. Il y a un impact à ton avis? Oui, il y a un impact dans les pays du Golfe, c'est l'arrêt du processus démocratique. Donc ils sont très contents dans les pays du Golfe et ils l'ont montré, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats ont donné des milliards de dollars aux Égyptiens parce qu'ils sont très contents. Il y a un impact de l'autre côté de chez nous. C'est que voilà, maintenant si les Occidentaux ferment les yeux sur un coup d'État, pourquoi ils vont venir embêter entre guillemets des petits dictateurs algériens qui fraudent des élections ou qui arrêtent quelques personnes? Bon, c'est rien par rapport à un coup d'État. Par contre, ce qui se passe en Égypte, il faut dire un mot là-dessus. C'est que un peu plus de 2 mois après le coup d'État, les Égyptiens sont toujours dans la rue. L'Égypte n'a pas les richesses qu'a l'Algérie ou la Libye, par exemple. Le coup d'État n'est pas gagné. Au moment où on parle, c'est pas fini. Ils ont fait une première étape, mais c'est pas fini. Au moment où on parle, ça, les Algériens, je veux le dire, c'est-à-dire qu'en Égypte, aujourd'hui, hier, j'ai regardé les informations. Il y a des millions d'Égyptiens dans les rues, dans toutes les villes d'Égypte, alors que le pays est sous état d'urgence, alors qu'il y a un couvre-feu, et les Égyptiens sortent dans la rue, dénoncent le coup d'État et s'affichent, et alors qu'en Algérie, il n'y a ni état d'urgence, ni couvre-feu, il n'y a personne qui sort. Mais on va revenir là-dessus. Donc, c'est pas fini. C'est pour ça que au début, j'ai dit, on est dans un processus révolutionnaire, mais qui va prendre beaucoup de temps. Très bien. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un qui est... Très bien, exact, tu l'as vu. Tu l'as vu. Excuse-moi, Yahya, d'avoir fait procéder de cette manière. C'est juste pour prendre un auditeur, Chérif Akhtash, que je salue. Tu m'entends, Khoya Chérif? Oui, bonsoir, Samir. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, Khoya Yahya. Ça va très bien, alhamdoulilah. Ça fait plaisir de t'entendre intervenir. Merci beaucoup. On t'écoute, Chérif, ton point de vue. Merci beaucoup, Khoya Samir. Moi, je voudrais juste déjà saluer notre ami Yahya pour ses analyses très équitables et pour sa position, notamment la position qu'il a eue par rapport à l'Égypte au moment où beaucoup d'intellectuels et de démocrates se sont alliés à des théories dictatoriales, etc. Déjà, ça vaut vraiment le salut et c'est très sincère. Après, je voulais juste dire un petit mot juste par rapport à la série avant de poser une question à notre ami Yahya. Juste par rapport au complot et tout ce qui se dit maintenant, j'ai vu même des commentaires sur Facebook où des gens qui sont comme nous à l'étranger, qui ont quitté le pays, qui préviennent déjà que ceux qui soutiennent l'intervention sont des traîtres, et ceux qui le feront par rapport à l'Algérie ultérieurement seront des traîtres aussi. Déjà, je pense que l'utilisation du mot nous signifie parfaitement de quel camp et à quel camp appartiennent ces gens-là. Les mots ne sont pas anodins. On sait très bien que notre régime utilise beaucoup ce nationalisme en carton avec des mots pareils. Moi, je dis, ces gens-là parlent de l'intervention. Personnellement, je ne suis pas pour l'intervention. Mais comme disait notre ami Yahya, on ne va pas le pleurer non plus. La Terre s'en débarrassera comme Kadhafi et ça serait le bienvenu, honnêtement. Il ne faut pas être hypocrite, hein, il faut dire les choses, parce que on a vu même l'Algérie qui a salué ou qui a exprimé justement son refus de l'intervention au moment où eux ils se font des richesses, au moment où eux ils sont encore mis en cause dans des assassinats par rapport à leurs propres citoyens, et au moment où ils ont été complètement observateurs par rapport à l'assassinat de gens, d'enfants et de militants en Syrie. Ça c'est, et on nous fait rire quand on parle de complot. Le complot existe déjà avec la Russie et la Chine. Le complot existe déjà avec la complicité de nos dirigeants et toutes nos richesses qui partent ailleurs, hein. Le complot existe déjà. Donc voilà, c'est juste que ces gens-là nous font rire avec leur notion de nationalisme et de trahison. Je vais pas trop tarder, je pense que nos amis ont bien résumé la chose, mais j'ai une question justement par rapport à l'Algérie. Par rapport à l'Algérie, à notre ami Yahya, et c'est une question que j'avais déjà posée dans l'une de tes émissions à Bouakouir, notre ami Bouakouir, et je pense qu'elle est décisive par rapport au DRS. Est-ce que notre changement, est-ce que la dissolution du DRS, la focalisation de l'opposition, non pas sur la classe politique superficielle et soumise, mais plutôt sur le DRS, serait la condition et une condition incontournable pour le changement en Algérie. Est-ce que cette question-là, et comment est-ce que l'opposition justement naissante doit s'organiser pour justement viser ce noyau qui est la source toujours du pourrissement et du maintien de cette situation en Algérie. Voilà, c'est la seule question. Je vous remercie beaucoup. Très bien. Et je reste à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chérif. Merci pour ta contribution et ta question. On va passer à Yahya. Yahya, comment on va faire ça? On peut tout de suite répondre, si tu veux répondre à cette question. Sinon, on y reviendra plus tard. Pas de problème. Non, on va répondre. On va rentrer dans le sujet Algérie, même si on pourra faire quelques digression sur la Tunisie et la Libye. Très bien. Mais notre ami Chérif a totalement raison. Le DRS, donc la police politique, le service d'enseignement, de multi-renseignement, puisqu'il regroupe tous les renseignements, et pas au sens classique du terme, hein, c'est pas le FBI ou la CIA, c'est un renseignement politique qui, au lieu de protéger l'État ou les citoyens ou la nation, surveille les citoyens. Surveille les citoyens au moment où ils exercent des prérogatives constitutionnelles. C'est-à-dire que, Chérif, toi ou moi, quand on va activer sur le plan syndical, militant des droits de l'homme, militant politique, journaliste, ils nous surveillent alors que c'est des droits constitutionnels. Et quand on dépasse les limites, ils nous répriment. On est face à une machine. Je vais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est que le DRS, parce que les gens, pour beaucoup de gens, c'est trois lettres, DRS. Qu'est-ce qu'est le DRS en Algérie? Le DRS en Algérie, c'est une institution, c'est une direction du ministère de la Défense. Donc ce sont des militaires. Premièrement. Deuxièmement, c'est devenu une direction en dehors du ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'armée, les gens disent il y a l'armée et le DRS. C'est devenu quelque chose qui a pris son autonomie par rapport à l'armée, c'est ça? Absolument. C'était le bras politique de l'armée et c'est devenu un bras politique en dehors de l'armée, qui décide en dehors de l'armée. Pourquoi? Il y a depuis l'indépendance de l'Algérie, la décision politique se prenait avec trois pôles. La présidence de la République, l'état-major, l'armée et les services. Ça, à l'époque, ça s'appelait l'ASM, maintenant ça s'appelle le DRS. Avec le temps, le DRS a infiltré, et il a des dizaines, plus d'une dizaine de directions, le DRS a infiltré tous les mouvements politiques, a infiltré les mouvements syndicaux, a infiltré les associations, a infiltré les médias, a infiltré toute l'administration. C'est-à-dire, dans chaque ministère, il y a un officier du DRS qui est plus puissant que le ministre lui-même, puisque l'officier du DRS gère la carrière des fonctionnaires. Dans chaque wilaya, il y a quand je dis un officier, ça veut dire une cellule. Dans chaque wilaya, il y a une cellule du DRS qui, de la même manière, gère la carrière des fonctionnaires dans les wilayas. Il y en a dans les daïras et il y en a dans les communes. Il y a plus que ça. Il y a ce qu'ils appellent la direction des points sensibles. C'est-à-dire qu'ils décident que tel point est sensible. Un aéroport, une maison, un quartier. Et pour chaque point sensible, il y a une cellule du DRS qui est en place et qui décide à la place des gens qui sont élus ou des hauts fonctionnaires. Donc ce n'est pas une vue d'esprit quand on dit que finalement le DRS c'est un service de renseignement qui intervient dans la politique et dans le fonctionnement, tout le fonctionnement de l'État, que ça soit l'administration la partie ça dit économique, ça commerciale, y compris l'import-export, la gestion des hydrocarbures, etc., tout. Absolument tout. Les entreprises publiques, dans chaque entreprise publique, il y a un officier du DRS et depuis quelques années, même dans les grandes entreprises privées, il y a des officiers du DRS qui conseillent gentiment les PDG des entreprises privées, alors que c'est leur argent. Donc, ils maîtrisent la totalité du fonctionnement économique et administratif de l'État. Je dis ça et je vais revenir à la prise de décision. C'est ça qui est important. La prise de décision, décision politique, stratégique et tout, elle est prise par trois pôles. La présidence de la République, l'état-major et les services de renseignement, donc le DRS. Quand les trois se réunissent pour prendre une décision, les informations qui arrivent au pôle pour prendre des décisions, ce sont des informations transmises par le DRS. Puisque c'est eux qui sont sur le terrain. La présidence a un certain nombre d'informations. Ce sont les ministres en place qui transmettent les informations. L'état-major, lui, il n'en a pas. Il n'a pas de prise directe sur le fonctionnement de la société. Quand la décision est prise, on va dire qu'il y en a deux qui décident vraiment, puisque l'état-major est mis de côté, c'est le DRS et la présidence. Mais ensuite, une fois que les décisions sont prises, dans leur application pour revenir dans l'administration, la haute administration, l'administration centrale, les wilayas et tout, si le DRS n'aime pas une décision, il ne l'applique pas, puisque c'est lui qui maîtrise les processus. Il les maîtrise avant la décision, c'est lui qui fait remonter l'information, puisqu'il tient en main l'administration et l'économie, et c'est lui qui les maîtrise ensuite lorsqu'il faut les appliquer. Et donc, on se rend compte à ce moment-là que ce service, cette police politique, puisque encore une fois, en tant que service de renseignement, moi, il ne me dérange pas, tous les pays ont des services de renseignement. Mais en tant que police politique qui surveille ses propres citoyens au moment où ils exercent des activités reconnues et garanties par la Constitution. C'est là où ça fait mal, hein. Le reste, c'est normal. Dans tous les pays, ça existe. Et à ce moment-là, il bloque les décisions qui ne l'arrangent pas. Autrement dit, il tient le pays entre ses griffes. Ce qui est totalement anormal. C'est-à-dire, on imagine, au bout du compte, que des officiers de renseignement, donc des gens du DRS, ce sont des officiers de renseignement, ce sont des militaires avant tout, puis ensuite des officiers de renseignement, des policiers qui surveillent les gens, celui-là avec qui il sort, celui-là avec qui il mange, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dit. Et ces gens-là dirigent le pays. Ce ne sont pas des hommes politiques qui dirigent le pays. Un homme politique, par définition, C'est un homme qui a des visions, qui a des convictions, qui a un programme, qui a des idées, qui essaye de convaincre les gens, qui essaye de mettre en application ses propres idées, qu'on est d'accord ou non. Une fois c'est lui, une fois c'est un autre. Ceux qui dirigent l'Algérie, ce sont des officiers de renseignement qui, eux, n'ont absolument rien à foutre de tout ça. Les idées, les visions, les programmes, les convictions, pour eux, c'est quelque chose qui est plus que marginal. C'est quelque chose de méprisable. C'est-à-dire c'est pour ces gens-là, avoir des idées, un programme, tu es méprisable. Tu es un petit con. Passez-moi l'expression. Ils sont là pour surveiller les gens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Comment voulez-vous que des officiers de renseignement qui n'ont aucune conviction sur rien, qui n'ont aucune vision sur rien, qui n'ont aucun programme sur rien, et qui n'ont comme formation et comme métier et comme travail de tous les jours que de surveiller les autres, comment voulez-vous que ces gens-là construisent un pays? Mon problème avec le DRS, ce n'est pas qu'ils soient DRS, c'est qu'ils n'ont pas ni les compétences, ni ce qu'ils font pour diriger un pays. Si demain, ils étaient formés pour diriger un pays, on ne l'aurait pas dit. On n'est pas d'accord. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur formation, ni leur destinée en principe, c'est ça. C'est rien. Et pourtant, ils dirigent les pays. Allô? Oui, je t'entends. Hein. Oui, ils dirigent des pays et ils emmènent ces pays, évidemment, les louettes, au mur, à la destruction, parce que c'est pas leur job. Tout à fait. Et quand il y a des gens qui leur disent il faut arrêter ça, on revient à la première partie de l'intervention de notre ami Chérif, ils sont considérés comme traîtres. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut intervenir pour sauver le pays, parce que ces gens ne sont pas capables de le diriger, on lui dit, tu es un traître. C'est-à-dire, il faut laisser le pays aller au mur, il faut laisser le pays, il faut qu'il se détruise, fermez vos gueules, sinon vous êtes des traîtres. Encore une fois, on avait commencé l'émission par ça, hein. C'est le drame de ces régimes-là. Et qu'est-ce que j'allais dire, ce que tu dis... J'espère que j'ai répondu à notre ami Chérif. Je pense qu'il est en train de nous écouter, il n'est plus avec nous dans la discussion. En fait, juste pour continuer dans ce que tu dis, ça me fait penser au fait que en Algérie, on a vu par exemple ces derniers temps toutes les affaires de corruption qu'ont fait la une de tous les médias algériens, notamment les affaires Chakib Khli, les affaires Son Atrak 1, Son Atrak 2, etc. Et dans ces affaires-là, moi, ce que je veux faire remarquer, c'est le fait qu'elles ont été menées par le DRS d'une manière à découvert, en fait. C'est-à-dire, le DRS, on a même vu des articles de presse qui expliquent très bien que c'est le DRS qui est intervenu, qui a fait une enquête, qui a interpellé les gens, etc. Et qui a décidé donc de rendre public ses affaires. L'idée, c'est que c'est comme si le DRS se considère comme étant celui qui est propre, dans le cas algérien, yani, c'est le DRS qui est propre et il fait la chasse à tous ces voleurs et à ces gens qui font dans la grande corruption. Et qui souvent, dans les affaires qu'on a vues, sont dans le camp présidentiel, comme on le sait. Et c'est comme si le DRS, c'est lui, ils disent opération même propre, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça contredit un peu ce que tu es en train de dire, puisque c'est le DRS qui est responsable, selon ce que tu dis. Bien sûr. Je ne dis pas qu'il est responsable directement des vols et de la corruption, bien que... il y a beaucoup d'officiers du DRS qui sont mêlés à la corruption et au vol. Mais bon, après tout ça, il faut le prouver. Et en tout cas, au minimum, il est responsable politiquement. Je rappelle que c'est le DRS qui a ramené Bouteflika, qu'il a choisi, désigné et imposé au peuple algérien. Je rappelle que c'est le DRS, donc son chef, le général Toufik, qui a accepté que Bouteflika fasse son deuxième mandat en 2004. Je rappelle que c'est le DRS qui a couvert la violation de la Constitution en 2008 pour permettre à Bouteflika un troisième mandat. Je rappelle, je vais donner quelques exemples. Qu'en 2005, il y a eu l'affaire BRC. J'ai moi-même publié le rapport BRC, dans lequel Chakib Khalil et son matraque, mais aussi le ministère de la Défense, c'est-à-dire l'affaire BRC, il n'y a pas que son matraque qui était impliqué. Mm-hmm. Le ministère de la Défense, c'est écrit dans le rapport. Hein, j'invente rien et j'apprends rien. L'affaire BRC, son attraque est impliquée autant que le ministère de la Défense. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir par avoir. Ils étaient d'accord par BRC de la même manière que son attraque. Où était le DRS qui depuis des années surveille quand un militant va aller faire pipi dans une toilette publique, il surveille s'il ne va pas parler avec le mur. Comment ils ne surveillent pas Chakib Khalil? Comment ils ne surveillent pas tous les gens de Chakib Khalil? Bien sûr qu'ils surveillaient, bien sûr. Alors aujourd'hui, se faire passer pour les messieurs même propres qui n'arrêtent même pas les gens, qui font des coups médiatiques. C'est-à-dire, je vais revenir à ta question. Tu me dis, le DRS a fait sortir des affaires dans les médias. Très bien, pourquoi les faire sortir dans les médias? Pourquoi pas les donner à la justice et que la justice arrête les gens? Les faire sortir dans les médias pour affaiblir celui qui va être cité dans le journal. Pas pour l'arrêter. Et on a appris tout récemment, moi je ne sais pas si on a confirmation ou pas, mais Chakib Khalil finalement n'a pas été, en réalité, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui, c'est ça? En tout cas pour l'instant, à Interpol, il n'y a pas de mandat d'arrêt contre lui, mais au-delà de Chakib Khalil, c'est des centaines de corrompus. Et tous ces, allez, on va aller un peu plus loin, tous ces corrompus, Chakib Khalil compris, ont été désignés à ces postes après enquête d'habilitation du DRS. C'est eux qui les ont habilités, peut-être pas tous, hein. Peut-être que deux ou trois, ils leur ont dit non, mais Bouteflika les a quand même nommés. Mais les voleurs et les corrompus habilités par le DRS, qui continuent maintenant, les corrompus qui sont eux-mêmes officiers du DRS, officiers supérieurs du DRS et qui sont encore en poste. C'est quoi l'opération main propre? Opération main propre, tu commences par tes propres officiers, puisqu'ils sont censés les surveiller. Ouais. Et que quelle lecture... cette histoire, il faut la raconter à d'autres. Ouais. Et quelle lecture tu ferais toi de toutes ces opérations qui se sont produites comme ça jusqu'à maintenant? Est-ce que, à ton avis, ça peut se calmer après les élections? Je pense qu'il y a eu un moment où Bouteflika et son clan se sont sentis tellement forts qu'ils allaient renverser l'équilibre et le rapport des forces, et que les généraux, et notamment le DRS, pas tous, hein, mais certains au DRS ne sont pas d'accord. Il faut rappeler la nature du régime algérien. Le régime algérien, depuis 1962, est dirigé par des militaires. Il y a même eu une époque où c'était des militaires propres, des dictateurs, mais c'est pas des voleurs. À partir des années, moitié des années 80, et surtout la décennie noire, la nature du régime a changé. La décision, elle est restée, bien sûr, militaire parce qu'ils ont la force, mais ils ont inclus en leur sein des hommes d'affaires, des voleurs, des corrompus, et avec l'arrivée de Bouteflika, ça s'est accéléré. À partir d'un moment, ils ont senti que le pouvoir en tant que tel était en train de basculer d'entre les mains des militaires au plan traditionnel depuis l'indépendance vers les hommes d'affaires et des civils corrompus, voleurs, sur lesquels ils ont fermé les yeux. Et à ce moment-là, Et là, ils sont en train d'essayer de rééquilibrer les choses pour refaire basculer le pouvoir de décision vers eux. Ce n'est pas ni le peuple algérien qui les intéresse, ni sauvegarder les richesses de l'Algérie, ni l'avenir des enfants des Algériens qui les intéresse, c'est rééquilibrer les choses pour que le pouvoir de décision finale revienne vers eux. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas pour l'Algérie. D'accord. Ce n'est pas pour les enfants algériens. C'est une histoire de rééquilibrage de pouvoir que Bouteflika a fait basculer dans un sens et qu'ils veulent ramener dans l'autre sens. Et ils vont ramener, si demain Bouteflika s'en va, il va s'en aller, hein, son état de santé ne le permet pas, ils vont ramener un autre Bouteflika. Ils ne peuvent pas ramener un homme qui a envie de travailler pour le pays, puisque ça ne correspond pas à ce qu'ils sont, eux. Je rebondis direct sur ce que tu dis. J'imagine, je pense que ça a un impact sur la scène politique algérienne. Et à ton avis, toi qui es observateur de la scène politique, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Qu'est-ce qui est en cours maintenant à l'occasion des élections présidentielles? Est-ce que tu penses que, yani, d'un côté, est-ce que le peuple est concerné par ça? Est-ce qu'il va se produire des choses qui vont concerner le peuple? Est-ce que le peuple se sent concerné? Et en 2014, est-ce que c'est vraiment une lutte qui relève de la démocratie, d'un fonctionnement normal des institutions, un renouvellement de président, ou là c'est autre chose, à ton avis? Tu as écrit sur Facebook il n'y a pas très longtemps, toi-même, Nedam Fiwad ou Chab Fiwad. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que penser que ce régime, par lui-même, du jour au lendemain, on a parlé des dictateurs, hein, va devenir un régime démocratique, c'est de la folie. Pourtant, on nous promet quand même ça pour l'élection de 2014, non? Non, ils sont où? On est à... C'est mais imaginons, hein. On est à 7 mois de l'élection. Normalement, dans un pays qui se respecte, quel qu'il soit, à 7 mois de l'élection présidentielle, on devrait avoir des candidats sur le terrain, chacun développant son programme, le défendant, qui débat contre l'autre, qui critique l'autre, et ainsi de suite, pour qu'au bout du compte, les peuples le choisissent. Est-ce qu'on est dans cette situation en Algérie? On voit qu'il y a de l'agitation dans les médias quand même, non? Mais ils sont où les candidats? Ils sont où les programmes? Elles sont où les idées? Elles sont où les propositions? Et qui aujourd'hui parle au peuple pour obtenir ses voix pour l'élection d'avril? Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revendique et qui demande au peuple de l'écouter? C'est vrai. Et c'est quoi ta lecture par rapport à ça? Qu'on est dans le même scénario. C'est-à-dire que quand on arrivera un jour à ce que ceux qui veulent devenir président de la République, c'est le droit de tout citoyen algérien, aillent s'adresser au peuple, de village en village, de ville en ville, je vais m'occuper du reste. On sera sorti de l'auberge. On est dans une situation inverse. Ou surtout ne pas s'adresser au peuple. Si tu veux devenir président de la République, me demande si je suis chef. Et tant qu'on est dans cette situation-là, on n'est pas un pays. C'est pas normal. On est à 7 mois de l'élection présidentielle. Hormis Ben Bitou, je le cite comme ça parce que, après on verra. Mais hormis lui, aucun de ceux, et lui il sera pas président, de ceux qui ont des chances de devenir président, personne ne va s'adresser au, personne ne demande au peuple rien. Et il ne veut pas demander au peuple, parce que c'est pas le peuple qui va l'élire, c'est Taufik, le général Taufik qui va le désigner. Et donc, ils vont demander à celui qui va les désigner. comprends. Et qu'est-ce qui se passe selon toi, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qui va arriver premier dans la course, même si visiblement on voit personne qui court, hein, c'est vrai, c'est ce que tu es en train de signaler. Ils sont tous dans le bois, personne ne sort du bois. En tout cas, personne ne va demander au peuple, parce que c'est pas des démocrates et ils ont compris que c'est pas le peuple qui va les élire. Sinon, tu serais déjà. Tu es président, candidat à la présidence de la République. Tu es normalement, tu es dans la rue, pas depuis aujourd'hui, depuis 3 ans. Depuis que l'autre il a été élu, tu recommences à chercher. Oui, bon, là, on est à 7 mois, il n'y a rien. C'est pas le peuple algérien qui va élire le prochain président. Et comment tu comprends par exemple le truc qui est c'est assez particulier ce qui s'est passé à la tête du FLN. Il y a eu une guerre interne. C'est dans l'optique des élections présidentielles, non? Oui, ça c'est les petits plans de Saïd Bouteflika qui espère que son frère va aller mieux. Et si son frère va mieux, il espère quelque chose. Mais je crois que ça ne va pas aller loin. On a vu, hein, chacun a vu les images de Bouteflika. C'est bon. Hein, je pense que. Tu en penses quoi des images qu'il diffuse là? C'est son frère, Saïd, qui les diffuse pour montrer que. Son frère reprend et que bientôt il sera guéri comme en 2005 et que bientôt il va reprendre les choses en main et il essaie de gagner du temps, sauf que c'est quasiment impossible. On a vu même les réactions des gens qui sont assez gênés de voir le président de la République dans cet état-là, non? Un peu paralysé, habillé avec un pyjama et des choses comme ça. Ouais, c'est lamentable, c'est indécent. Mais bon, c'est pour ça que je te dis, on revient, hein, on n'a pas affaire à des hommes politiques. On a affaire en ce qui concerne le côté armé DRS à des officiers et des officiers de renseignement, des flics, quoi. Et de l'autre côté, on a affaire à des petits mafieux. C'est pas des hommes politiques qui défendent des convictions. Et ils sont là en train de manipuler des images, en train de montrer un président qui est dans un état de... La décence aurait voulu qu'on ne montre pas Bouteflika dans cette... Je n'aime pas Bouteflika. Mais la décence aurait voulu qu'on ne le montre pas dans cet état-là. Il faut arrêter. Mais ils n'ont aucune limite. Hein. Ils s'accrochent au pouvoir pour le pouvoir. Et donc... Après, si le vent est favorable pour l'armée algérienne et le DRS, ils ont certainement une liste. Si tout se passe bien et que personne ne dit rien, aussi bien à l'intérieur et qu'il n'y a pas d'opposition et qu'au niveau international il n'y a personne qui dit rien et qui sont occupés ailleurs, eh ben ils mettront le numéro 1 sur la liste. Et si ça se passe un peu moins bien et que ça bouge un peu dans le pays et que le contexte international fait qu'on veut un peu plus de changement ou un peu moins, ils mettront le numéro 2 ou numéro 3 sur la liste. Mais ça restera quelqu'un du régime, pardon, quelqu'un qui n'aura pas été élu par le peuple parce qu'il n'aura pas demandé au peuple de l'élire. Ce sera quelqu'un qui n'aura pas été sillonner le pays pour demander aux gens de voter pour lui. Ce sera quelqu'un qui aura été désigné d'en haut. C'est-à-dire que moi, je serai rassuré quand je verrai un candidat ou des candidats aller dans les villes, dans les villages, et demander, serrer les mains, et demander aux gens de voter pour lui, que je sois d'accord avec lui ou pas. Et leur parler et essayer de les convaincre et que dans une élection libre ils choisissent un tel ou un tel, même si je suis pas d'accord avec cette personne, il aura été élu par le peuple et donc je pourrai faire la même chose, moi ou quelqu'un d'autre, faire exactement la même démarche pour le battre la prochaine fois. Mais aller demander ça au peuple, tant que ces gens ne demandent rien au peuple et vont aller le demander aux généraux, on n'est pas sorti de l'auberge. Très bien. Je voulais rappeler juste aux auditeurs que nous sommes en direct. Donc, nous avons commencé depuis à peu près 1h45, depuis 1h45 minutes, qu'on parlait un peu de ce qui se passe dans la région, la Syrie, l'Égypte. On n'a pas eu le temps, malheureusement, d'aborder la Libye, la Tunisie, même si moi j'aurais voulu quand même l'aborder avec toi. Je sais que tu connais quand même ce sujet. Il nous reste quelques minutes. Moi, ce que je voulais, juste pour la fin de l'émission, je voulais quand même, je ne sais pas comment toi tu le vois, l'impact de ces événements en Égypte, en Tunisie. La Tunisie, c'est un pays très voisin. Tous ces événements, comment ils impactent l'Algérie? D'abord, comment ils impactent la rue algérienne? Je te la pose à toi particulièrement. Je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, depuis plusieurs mois, tu étais en Algérie sur le terrain. C'est-à-dire, tu as rencontré les jeunes, les militants des droits de l'homme et tout. Quel enseignement tu tires par rapport à ça, yani, ce qui se passe dans la région, quel impact ça a sur sur la base, sur les militants, sur la rue, à ton avis, hein? Il y a évidemment ce qui s'est passé en Égypte, notamment, a eu un impact très fort sur ce qui se passe en Algérie, notamment sur les jeunes militants. Certains sont dégoûtés et arrivent à dire à quoi ça sert de faire de la politique, du militantisme, à quoi ça sert d'être pacifique, puisqu'au bout du compte, ils vont venir, ils vont faire un coup d'État, comme ce qui s'est passé en Égypte. Mmh. Alors, moi, je veux rappeler, beaucoup de ces jeunes militants, je les connais personnellement, et j'ai sillonné le pays, et je vais continuer à le faire. Mais je veux quand même rappeler la notion de militantisme pacifique. Mm. Je veux expliquer pourquoi. Mm. Pourquoi est-ce qu'il faut ne jamais utiliser la violence? Est-ce qu'il faut rester dans un combat pacifique? Notamment, si tu me permets la parenthèse, Rouhia, notamment on a vu en Égypte comment les gens qui subissent le coup d'État, ils sont en train d'être emprisonnés, on a tué beaucoup parmi eux et tout, et jusqu'à maintenant ils continuent à rappeler Silmiyet le Nidal. Ça c'est le cas égyptien, je ne sais pas justement comment tu le dis toi. Oui, la confrérie des frères musulmans qui a plus de 80 ans d'activité politique, et ils sont arrivés à cette conclusion, contrairement aux islamistes algériens dans les années 90, qui sont très vite passés à la violence. Et c'est pour ça que je vais dire ce que je vais dire. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on dit il faut que ce soit pacifique, parce que prendre les armes, slah, il te fait de l'adou. Les armes, c'est contre l'ennemi. Or, aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Algérie aujourd'hui ne sont pas des ennemis. Le Tawfiq, Tartak, Bouteflika, c'est des voleurs. Certains d'entre eux sont des criminels, mais c'est des Algériens. Khawtna. سلاح ما يترفش ضدهم سلاح ضد العدو quel que soit X on ne prend pas les armes contre ses frères même s'ils sont ce qu'ils sont. Les armes c'est pour l'ennemi, et peut-être si jamais quelque chose arrive, on se retrouvera dans le même front contre un ennemi étranger. Ça c'est une position de principe et une position اخلاق سلاح ماشي ضد الجزائر. هذه واحدة. Deux, sur le plan stratégique, on sait très bien que la guerre civile, l'iqtital dakhili, ça détruit le pays. C'est-à-dire prendre les armes contre son propre frère, on va détruire son propre pays. Alors que l'idée c'est de sauver le pays, on va commencer par le détruire pour le sauver, ce qui est absolument absurde. Celui qui pense à prendre les armes pour détruire son pays, pour le sauver, c'est totalement négatif. On l'a vu, on voit ce qui, on a parlé de la Syrie. La guerre civile a détruit la Syrie. Ça s'est passé chez nous dans les années 90. Les gens ont pris les armes contre eux-mêmes, contre leurs frères. Ça a détruit le pays. C'est-à-dire, cette idée, il faut l'oublier. Ensuite, troisièmement, s'il manquait un argument, mais je pense que ça suffit, mais s'il en manquait un, c'est que les régimes en place ont des armes. Prendre les armes contre ces régimes, tu n'as pratiquement aucune chance de gagner. Tactiquement, ils ont des armes, ils ont des armées, ils ont et ça s'est passé chez nous, ça se passe aujourd'hui en Syrie. L'opposition n'a pas les moyens de gagner. L'importance, c'est à Selmiya, d'accord. Alors que Selmiya, c'est-à-dire que l'histoire de la lutte pacifique, elle est stratégique, elle est morale, elle est d'abord morale, c'est une question de principe, ensuite elle est stratégique, ensuite elle est tactique. Le seul moyen de lutte quand on lutte dans son propre pays, il ne peut être que pacifique. Il faut oublier, même si je peux comprendre quand on a 20 ans et 25 ans et qu'on en a marre et qu'on se fait arrêter, qu'on se fait frapper, qu'on se fait en Égypte, ils se font arrêter, ils sont en prison. Il faut accepter ça et ne pas basculer, quel que soit X, c'est une formule mathématique, ne jamais basculer ni dans la violence et surtout pas dans les armes dans son propre pays. Les gens ont tiré les leçons à ton avis et on peut, Yannick, par exemple les Algériens, est-ce que par exemple, ça, j'y pense comme ça, par exemple les Tunisiens qui ça bouillonne aussi chez eux, la transition elle arrive, ça elle a fait des pas et tout, mais est-ce que par exemple ce qui s'est passé en Égypte et plus loin encore dans l'histoire ce qui s'est passé en Algérie, ça sert de leçon? J'espère, en tout cas ce qui se passe en Égypte maintenant, par référence à ce qui s'est passé en Algérie, c'est très important. C'est la confrérie, les islamistes égyptiens sont beaucoup plus importants dans la société égyptienne que ne l'étaient les islamistes algériens. Et pourtant, ils refusent de verser dans la violence. Ça doit faire réfléchir les islamistes algériens. Et en tout cas, et surtout, donner des remords à ceux qui ont basculé, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils ont basculé. Ça doit leur donner des leçons à réfléchir et des remords qu'il ne faut pas, même quand on est majoritaire, même quand on a gagné une élection, même quand on subit un coup d'État. Et ils l'ont subi en Égypte et ils l'ont subi en Algérie. C'est clair. Ne pas basculer, ça va prendre plus de temps. C'est dur à supporter. Mais verser dans la violence qui va détruire le pays qu'on veut sauver, c'est une erreur sur tous les plans. Et puis ça ne sert à rien. C'est une erreur morale et concrètement sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc bien. Rester, ça va être très difficile, ça va prendre plus de temps. Essayer de continuer le travail de conscientisation de la population, essayer de faire participer le maximum de personnes pour qu'ils prennent conscience et qu'ils participent à la vie publique, à la vie politique. C'est un travail de longue haleine, mais c'est le seul moyen et c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Et peut-être pour la fin, de toute façon, je te laisserai aussi résumer comme tu le voudras, mais est-ce que, juste avant, est-ce que dans quel état se trouve, même si c'est une grande question, mais dans quel état se trouve actuellement la classe politique algérienne? Je ne parle pas de la classe politique habituelle, même si c'est vrai qu'il faut aussi l'aborder, mais en général comme ça, les militants, les gens, les associations, comment on peut résumer, Yannick, la situation? C'est quoi sa situation? C'est pas noir ou blanc. On est dans une société, il faut partir du constat. La société algérienne, je rappelle pour ceux qui écoutent, que la société algérienne, au début des années 80 et jusqu'à octobre 88, on était la société la plus politisée d'Afrique. Tout le monde s'intéressait à la politique. Tout le monde participait à la vie publique. Les universités algériennes, c'était des... Ça bouillonnait de politique, ça parlait d'avenir, ça parlait de projets, ça parlait... les 10 ans de guerre civile et les 10, 13 ans d'anesthésie bouteflérienne ont cassé, détruit, déstructuré la société algérienne. Ils en ont fait une société amorphe, une société khlélé ou khlélik, une société khatini, une société qui, la dernière fois j'étais à Alger, j'étais à l'université Sciences Po à Alger, à l'université de sciences politiques, pour discuter avec des étudiants. Et les étudiants de sciences politiques me disent « Enam anadash politique ». Excuse-moi d'en rire. Oui, mais il faut en rire. C'est-à-dire que ce qui est absolument terrible, ça n'existait pas avant. Ils ont discrédité la chose publique, ils ont discrédité tout ce qui est politique, et personne n'a le droit de faire de la politique sauf eux. Si toi, demain, tu vas aller faire de la politique, on le khalina. Il n'y a que Bouteflika et Toufir qui ont le droit de faire de la politique. Les autres n'ont pas le droit, c'est quelque chose de pas bien. Et donc, il faut réamorcer tout ça. Réamorcer à partir de l'école, à partir de l'UNI. C'est pour ça que je dis que ça va être un chemin qui sera long, mais c'est le seul chemin. Après, autour de ça, j'ai compris ta question, c'était notamment autour de l'opposition. Je ne parle pas de l'opposition légale parce que c'est de l'opposition légale, ils sont là, ils acceptent les limites mises en place par le régime. Je parle de l'opposition radicale. Il y a un certain nombre d'acteurs, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. C'est difficile. C'est difficile de parler politique, je viens de donner l'exemple. C'est difficile de se faire comprendre, écouter par la population et notamment par les jeunes qui ne veulent plus entendre parler de politique. Ils ont le régime en place a détruit et déstructuré la société algérienne. Il a discrédité tout ce qui est politique, tout ce qui est médiatique. C'est-à-dire que les gens achètent le journal en dehors des pages sportives, ils ne croient rien. Ils croient les résultats du match de football et qui a bien joué et qui n'a pas bien joué, ça ils le croient. Mais tout ce qui est dans les pages politiques, ils ne le croient pas. Ils ont tout discrédité, ils ont fait exprès. Ils sont eux-mêmes discrédités et ils ont essayé de discréditer ceux qui s'opposent à eux, ils ont réussi. Et donc on est dans une reconstruction de la société en tant qu'acteur essentiel de la vie politique dans un pays. Voilà, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais c'est un travail à faire. Très bien. Très bien, merci beaucoup Yahya. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Il est 23 heures ici en France et il est 22 heures heure algérienne. Je rappelle juste à nos auditeurs que nous étions depuis tout à l'heure avec toi Yahya Bounoir, journaliste, militant politique et des droits de l'homme en Algérie. Tu nous as éclairé avec ce que tu sais par rapport à la situation dans la région arabe, la Syrie, l'Égypte, et on a fini la fin sur l'Algérie. Je voulais juste, Yahya, je te laisse, si tu as un mot pour finir, si tu veux aborder un truc qu'on n'a pas abordé, auquel on n'a pas pensé, ou là j'y ai pas pensé, je te laisse les dernières minutes, tu finis comme tu veux, puis je reviendrai rendre l'antenne. Bah, écoute, moi, je te remercie, je pense qu'on a fait, on a parlé de beaucoup de choses, qui peuvent intéresser les gens. Vraiment, je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est gentil de dire. Et ça fait partie, tout cela fait partie du travail de conscientisation de l'ouai, ou taouaït, les gens, de leur les faire intéresser à nouveau à la vie publique, les impliquer à nouveau dans la vie publique et dans et forcément donc dans la vie politique, leur faire prendre conscience que ils ont un droit de décision et que le pouvoir de décision n'appartient à, ni à un officier X, ni à un policier Y, ni à un homme politique, mais que c'est un pouvoir de décision commun qui appartient à la majorité du peuple et qui doivent s'intéresser à la vie de la cité parce que leur vie en dépend, celle, l'avenir de leurs enfants en dépend. Et donc, continuer ce travail que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent apprennent à leurs enfants à s'intéresser, à s'impliquer dans la vie politique parce que sinon la politique s'occupe d'eux. Et donc il faut s'impliquer et s'intéresser à la vie publique d'une manière générale et à la politique en particulier. C'est le seul message aujourd'hui qu'on essaie de faire passer et ensuite que chacun défende ses convictions. On n'est pas obligé d'être tous d'accord. J'espère que tu inviteras des gens qui diront l'opposé de ce que je dis en défendant les idées, en présentant leurs arguments. Et c'est normal, c'est cet échange d'arguments, cette compétitivité et cette concurrence dans les idées et les projets qui fait avancer les sociétés et qui bâtit les nations. Très bien. Il faudrait qu'on arrive à ça justement pour bâtir la nation algérienne. Très bien. Yahya, je ne te lâcherai pas avant de t'avoir posé une petite question. Je voulais te la poser, j'ai oublié depuis tout à l'heure. C'est juste que il y a une chaîne de télévision algérienne, Nahar, pour ne pas la nommer. Ils t'avaient montré tout récemment dans une vidéo qu'ils ont diffusée largement sur leur télé en disant il y a des gens qui complotent contre l'Algérie. Je voulais juste te poser la question sur ça. C'est quoi ça? C'est quoi ton explication? Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Si tu veux bien sûr, sinon c'est pas grave. Oui, bien sûr. J'ai vu la vidéo. Donc, en gros, ça se déroule à Gardaïa. Le comité des chômeurs avait organisé un rassemblement à Gardaïa. Donc, j'arrive à Gardaïa. D'autres arrivent de plusieurs wilayas du pays, de l'Est, de l'Ouest, pour en solidarité avec les chômeurs. On se retrouve dans la maison d'un militant qui avait mis sa maison à disposition pour recevoir justement ceux qui arrivaient de loin. On prend un café, on discute, on échange, et puis je parle et d'autres... évidemment, je parle de politique. Et tout ce que j'ai dit, je l'assume, je l'avais dit avant. Et donc voilà, la vidéo, je ne sais pas comment elle est arrivée aux mains du régime algérien, qu'il a transmis à Nahar et qu'il a diffusé en nous présentant comme des mouchouchine. Ils veulent ramener le printemps arabe en Algérie. Bien sûr que je veux ramener le printemps arabe en Algérie. Ils veulent faire tomber le régime. Bien entendu que je travaille et que je milite pour faire tomber ce régime. Bien entendu que je travaille et je milite pour que dans mon pays il y ait un système démocratique et que l'ensemble des citoyens participent à ce système démocratique. Donc tout ça, c'était pas la peine de le montrer dans le Nahar. Je le dis, je l'assume. C'est légitime finalement. Voilà, bien sûr. Donc après ils font leur cinéma. Et que tous ceux qui sont contre sont des traîtres et ainsi de suite. Mais bon, je crois que tout ça est dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils veulent m'emmener au tribunal et en me montrant la vidéo, tu as dit que tu veux faire tomber le régime, mais bien entendu que je veux faire tomber le régime. Donc, c'est le droit de tout citoyen de faire de la politique, non? Oui, donc absolument. Donc c'est vraiment de la propagande à 2 centimes, qui date des années 60, et ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui les gens ont le droit, et que en ce qui concerne l'Algérie, c'est plus le droit, c'est un devoir maintenant de lutter contre ce régime, parce que ce régime est devenu un danger pour l'Algérie. C'est un devoir pour chaque Algérien de changer rapidement, le plus rapidement possible, de régime politique pour entrer dans un véritable état de droit et la construction de la nation algérienne. Et la nation algérienne sera construite par le peuple algérien, ni par les Chinois, ni par les Turcs, ni par personne. C'est la jeunesse algérienne qui va construire la nation algérienne. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, ils travaillent contre leur pays. Je terminerai avec ça. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Yahya Bounouar. Merci à toi, Samir. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir répondu à toutes ces questions. Atek Sahad, d'avoir été patient avec nous depuis 2 heures. Je te remercie. Donc, toi, Yahya Bounouar, je rappelle que tu es militant politique et militant des droits de l'homme. Tu es aussi journaliste. Je remercie aussi les auditeurs qui nous ont écoutés depuis tout à l'heure. Nous étions en direct. Je remercie Thani Sabna qui nous ont appelé, les auditeurs qui ont participé, notamment M. Hussein Jidel tout à l'heure et Sherif Akdash qui ont contribué. Khawti Ikhwani Akhawati, nous arrivons à la fin de notre émission Mawaid Ma'al Mustami'in. Je vous explique vite fait, blé, chaque samedi soir à 20h, heure algérienne, Adna l'émission Hadi en direct. N'hésitez pas à venir nous écouter en direct. Sinon, l'émission, elle est enregistrée et vous pouvez la réécouter le lendemain sur le site radiochicha.com. Il suffit d'aller sur le site, section podcast, pour réécouter les émissions. Vous pouvez réécouter cette émission-là. Vous pouvez réécouter les émissions précédentes. Vous pouvez aussi sur le site, vous pouvez nous contacter via la page contact ou envoyer des dédicaces, etc. Voilà comment ça se passe sur Radio Chicha. Voilà, je vais rendre l'antenne Khawti, je vais vous laisser avec de la musique. J'ai raté tout à l'heure, je ne vous ai pas passé la musique de l'Anqa que je voulais passer. Je vais vous la passer maintenant, elle dure une demi-heure. Je vous invite à l'écouter, c'est un pur moment. Un régal. Un pur moment de plaisir. Je vais la lancer là, je vais rendre l'antenne. Encore une fois, merci beaucoup Yahya d'avoir accepté d'être avec merci nous. Merci à toi mon ami, merci à toi. Et à très bientôt, Inch'Allah. استمعون إلى راديو حشيشة أول إذاعة جزائرية على الإنترنت. ساعة الظهر لما افترق مجلس الحبل الله قمعوا لي في الوعد الطايب ساي الواقف حقير في عتبة الابواب نرجع وعد الفضيل بالدمع السال ما صرفوني بقول ما نتقو بجوال فيني عين للهوى ابقى قلبي حاصل في باب الجفين باب الجفن مطمع كأنني سايب أش طامع في باب الجافين تلقى